إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc alhamdulillah aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire on va dans ce cours on va lire une petite encore une fois une petite risale du Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله et dans cette petite risale il nous parle en fait il donne une nasiha à la femme musulmane et c'est ça le titre nasiha للمرأة المسلمة Donc le Cheikh il commence en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'd Faqad ra'a al-ikhwa al-mas'ouluna an al-da'wati An takuna al-muhadara fi mawdu'in nasihatin Fi mawdu'in nasihatin lil-nisa' al-muslima au lil-mar'at al-muslima Wa hatha la ya'ni anna al-muhadara khasatun bil-mar'a Bal hiya amma ولكن يكون التنبيه فيها على ما يختص بالمرأة أكثر ولا شك أن الرجل أيضا مسؤول عن المرأة فإن الله سبحانه وتعالى من على الرجال بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها Donc le Cheikh il commence, il dit, louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses compagnons et sa famille, et yani, tous ceux qui ont cru en lui, ajma'in. Ensuite, le Cheikh il dit que les gens qui avaient organisé la conférence, ils avaient fait ça comme étant une conférence sur le sujet de la nasiha pour la femme, c'est-à-dire un bon conseil pour la femme musulmane, Et le Cheikh il spécifie justement, comme le frère Abdul Karim nous l'a dit avant de commencer, que c'est pas uniquement une nasiha, c'est-à-dire c'est une nasiha pour la femme, mais ça s'applique pas seulement pour la femme, puisque en réalité, les hommes ont une responsabilité face à la femme, et donc ça peut être un dars qui va profiter également aux hommes, autant qu'à la femme musulmane. Et il n'y a pas de doute que l'homme est responsable de la femme. Comme on a expliqué hier dans le Dars, on a parlé des droits, on a parlé des responsabilités par rapport aux jeunes et des responsabilités qu'ils ont envers leurs parents, etc. et envers les autres. Et donc, le fait qu'on soit des hommes, eh bien, ça fait qu'on a une responsabilité sur la femme. Et on sera questionné par Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection au sujet du comportement et de la manière dont on a traité les femmes. Et est-ce qu'on a pris notre responsabilité avec sérieux? Et est-ce qu'on a rempli notre devoir? Parce que la responsabilité, comme on l'a expliqué hier, c'est premièrement et fondamentalement dans le sens qu'on sera questionné au jour de la résurrection au sujet de notre façon d'agir par rapport à cette responsabilité-là. Comment on a agi envers la femme et comment on l'a traitée. Donc, le cheikh il nous mentionne des versets qui nous montrent que yani, les hommes et les femmes ont été tous les deux créés par Allah subhanahu wa ta'ala en couple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a créé l'homme et la femme. Donc, il mentionne le verset 1 dans Surah An-Nisa, « Oh vous les hommes, craignez Allah, ya ayyuhannas, taqullah, taqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Celui qui vous a créé à partir d'une seule âme, et qu'il a créé à partir de celle-ci, son épouse, et il a fait à partir de ces deux-là, beaucoup d'hommes et de femmes. » Donc ça c'est des indications aussi à ce sujet-là. Ensuite, il mentionne le verset 189 dans Surah Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui vous a créé à partir d'une seule âme, et qu'il a fait de cette âme son épouse pour qu'il puisse être en tranquillité auprès d'elle. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, puis il a créé à partir de Adam son épouse, à partir d'une côte, hein, et donc ça c'est la création de la femme à partir de Adam, alayhi salam. Et le cheikh dit ensuite, فالحكمة في ذلك من أجل أن يسكن إليها ويأنس بها ويطمئن إليها في أسراره وفي أموره لتعينه على مشاق الحياة وينشأ منهما ذرية صالحة. قال سبحانه وتعالى, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من آيات الله, أي العلامات الدالة على قدرته سبحانه ورحمته وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. Donc le cheikh il dit, parmi les sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et la femme, et pourquoi il a créé en particulier la femme pour l'homme, c'est pour que l'homme puisse se sentir en tranquillité auprès d'elle, et qu'il puisse retrouver la paix et la sérénité auprès d'elle quand il est en secret avec elle, et dans toutes ses affaires également, parce que elle lui facilite et elle l'aide dans les responsabilités et dans les difficultés de la vie. Et à partir de la famille, bien entendu, quand il y a un mariage, et bien par la suite, il y aura des enfants qui vont naître et qui seront, inch'Allah, des progéniteurs qui vont être bonnes et qui vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 21 dans Surah Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a créé à partir de vous, donc qu'il a créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses, pour que vous puissiez être en tranquillité auprès d'elle. Et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Et donc, il y a dans ça des signes. Des signes, al-ayat, ça veut dire des indications, c'est des signes qui montrent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui indiquent aussi sa miséricorde et le fait qu'il est celui qui mérite d'être adoré lui seul et qu'on ne doit pas prendre des partenaires avec lui dans notre adoration. Donc le shaykh dit, والله كون المجتمع البشري من الرجال والنساء وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاجتماع الرجل والمرأة على العلاقة الشرعية من نعم الله سبحانه وتعالى لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة ومن أهمها بناء المجتمع وتكوين الأسرة وعمارة البيوت فهذا من نعم الله فمن هنا فإنه يجب الاهتمام بالمرأة من ناحية توجيهها وإرشادها ومن ناحية اختيار الزوجة الصالحة ذات دين ومن ناحية التعامل معها لأن لا يستغل الرجل سلطته عليها فيظلمها ويهضمها قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Le cheikh il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il a établi la société humaine avec des hommes et des femmes. Et il mentionne le verset 13 dans Surah Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, oh vous les hommes, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux, celui qui a le plus de la crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui a plus de taqwa. Donc, le fait qu'il y ait des hommes, un homme et une femme qui se marient hein, et qui fondent une relation légale basée sur les règles de l'islam, ça, ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que à partir de cette union-là, il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent être établis, comme le fait de bâtir une famille hein, et de bâtir une maison, etc. Et ça, ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, ça nous montre que c'est obligatoire et c'est très important, c'est obligatoire de s'occuper donc de la femme de cette manière-là et de l'orienter et de lui indiquer la droiture, ainsi de suite. Donc en principe, qu'est-ce que le chef essaie de faire comprendre ici, c'est que l'homme il a cette responsabilité-là par rapport à la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme comme étant le responsable de la femme, comme étant le chef de la famille. Et c'est lui qui a cette responsabilité-là, contrairement aux idées et aux façons de penser qui sont maintenant propagées par les koufars, de dire que l'homme et la femme, ils ont une responsabilité égale et que tous les deux sont égales dans tout. Ça, c'est contraire au principe de l'islam. Parce que l'islam, elle nous dit non, il n'y a pas cette égalité-là dans toute chose, dans la famille. L'homme, il a une position d'autorité et de responsabilité face à sa femme, que la femme n'a pas. Donc il y a dans certaines choses, il y a des égalités dans l'islam entre l'homme et la femme, mais dans d'autres choses également, dans d'autres principes et dans d'autres règles, il n'y a pas d'égalité. Hein? Mais des gens ont tendance à généraliser parfois, et puis ils ont tendance à dire l'homme est égal à la femme dans tout. Et si on appliquait l'égalité entre l'homme et la femme dans tout, ce serait une injustice envers la femme. Et parfois, dans certaines situations, ce serait une injustice pour l'homme aussi. Parce que l'homme et la femme sont différents, ne sont pas créés pareils. Et donc, chacun a des rôles et des responsabilités que Allah a créés. Allah a créé l'homme d'une certaine façon, il a créé la femme d'une certaine façon, et il a fait en sorte que la façon dont la femme est créée a un certain rôle à remplir dans la société, et l'homme il a un certain rôle également à remplir dans la société. Et tant que chacun connaît son rôle et sa responsabilité, les choses restent en ordre. Mais quand un essaie de remplir le rôle de l'autre, et chacun essaie de devenir l'autre, eh bien là il y a des problèmes, il y a un déséquilibre, et il y a toutes sortes de tensions qui vont être créées par la suite dans la société à cause de ça. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc l'homme, il est supposé d'être celui qui oriente la femme et qui lui montre la droiture et qui la guide bien. Donc il a également dans le sens qu'il doit aussi faire attention comment il choisit son épouse et il doit prendre celle qui a la religion comme on l'a expliqué hier et aussi dans la façon comment il agit avec elle. Il ne doit pas utiliser son autorité et le fait qu'il est l'homme, il ne doit pas utiliser ça comme un moyen pour écraser la femme et l'opprimer ou bien profiter d'elle, hein, ou d'agir de manière injuste envers elle. Parce que ça c'est de l'injustice et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Donc il mentionne le verset « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf », c'est-à-dire « Agissez envers elle de la meilleure manière, hein, traitez-les et vivez avec elle de la bonne façon ». Et il mentionne donc dans le verset 229, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. C'est-à-dire, si vous êtes avec une femme, soit vous la tenez comme il faut et dans le bien, et vous agissez bien avec elle, ou bien vous la laissez partir d'une bonne manière également. Mais vous n'allez pas la garder pour l'opprimer, pour lui faire de l'injustice, pour agir mal envers elle. Donc le cheikh il dit, فَعَلَاقَةُ الرَّجُلْ بِالْمَرْأَةِ علاقة وطيدة ويجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العشرة الطيبة والرعاية الكريمة والمعاملة الحسنة وكذلك من ناحية المتعة الزوجية بأن تكون وفق ما أباحه الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فمن هنا تظهر لنا أهمية هذه المرأة في المجتمع فإن المرأة قرينة الرجل وشريكته ومنذ أن خلق الله الإنسان الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلق له المرأة وكذلك لا تزال سنة الله عز وجل كما هي إلى أن تقوم الساعة سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Donc le cheikh explique que le lien entre, et la relation entre l'homme et la femme, c'est une relation qui est importante. Et il dit donc c'est obligatoire que cette relation-là soit basée sur la règle et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce soit basé sur une vie et une façon de vivre qui est et une relation qui est bonne entre les époux, hein, et que l'homme il agisse avec bonté et générosité et qu'il s'occupe bien de sa femme et qu'il la traite d'une bonne façon. Et même également dans les questions de rapport intime avec sa femme également, il doit agir avec elle de la façon que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis. Et de pas, bien entendu, transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh mentionne le verset 223 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique que vos femmes, vos épouses sont un champ pour vous. Alors, labourez votre champ comme vous le désirez. Et ensuite, le cheikh dit donc, à partir de ce moment-là, on voit l'importance que la femme a dans la société. Et il dit que la femme, c'est une associée par rapport à l'homme. Du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, depuis qu'il a créé le premier homme, c'est-à-dire Adam, il a créé pour elle une épouse. Et ça, c'est la loi d'Allah et c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a établie depuis le temps qu'il a créé Adam jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est donc quelque chose qui ne va pas changer. Et il mentionne le verset 23 dans Surat al-Fajr qui dit que ça, c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était comme, c'était comme ça auparavant. Et c'est ainsi que vous n'allez jamais trouver de changement dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala awjaba ala al-rijal ta'atahu wa ibadatahu wa awjaba ala al-nisa kathalika ta'atahu wa ibadatahu wahdahu la sharikala wa wa'ada al-muhsin min al-sinfayn bil-ajri al-jazil wa tawa'ada al-musi min al-sinfayn bil-azab wal-uquba fal-rajul wal-mar'a sawa'un min na'hiyati al-takalif al-shar'iyya fi الشرعية في الجملة وإن كانت المرأة قد تختص بأشياء دون الرجل من التكاليف الشرعية ولكن في الجملة الرجل والمرأة سواء في عبادة الله وفي طاعة الله وفي الثواب والعقاب. الشيخ dit que Allah سبحانه وتعالى a ordonné à l'homme d'adorer Allah et de l'obéir, et il a également ordonné à la femme d'adorer et d'obéir et de ne pas associer de partenaires dans l'adoration aux hommes et aux femmes. Et il a promis à ceux qui faisaient le bien parmi les hommes et parmi les femmes une bonne récompense, et il a menacé tous les deux également d'un châtiment douloureux, un grand châtiment si jamais ils désobéissaient aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce point de vue-là, la femme et l'homme sont tous les deux égaux dans les charges et les responsabilités religieuses qu'ils ont en général. En général. الشيخ يقول ولكن في الجملة الرجل والمرأة سواء في عبادة الله وطاعة الله. Il dit il y a certaines règles qui sont peut-être particulières à la femme, hein, qui sont peut-être particulières à la femme dans certaines des règles de la charia, mais en général l'homme et la femme dans les questions d'adoration et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la question de récompense et de châtiment, les deux sont égaux dans ces choses-là. Et il mentionne le verset 195 dans Sourate Ali Imran à ce sujet. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن الرجال مؤمنون ومسلمون ومن النساء مؤمنات ومسلمات ومن الرجال مهاجرون ومن النساء مهاجرات وهم في الأجر سواء في ذلك. Donc le cheikh essaie d'expliquer maintenant que dans le Coran il y a la mention du fait que les hommes et les femmes, s'ils font du bien et qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront une récompense équivalente dans l'au-delà pour le bien qu'ils ont fait. Et il mentionne donc des versets qui disent par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé leur invocation du fait qu'il ne va pas faire perdre la récompense d'aucun d'entre les hommes ou les femmes qui ont fait une bonne œuvre, que ce soit des hommes ou des femmes, ils vont avoir la valeur de leur récompense, de leur, yani pour les actions qu'ils ont fait dans le bien, et que les uns sont en fait des autres. Et ceux qui ont fait la hijra, ou qui ont été expulsés de leur demeure, ou qui ont été offensés, ou qui ont souffert dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont combattu, ou qui ont tué, ou qui ont été tués dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va expier leurs péchés, et va les faire rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc ça nous indique que parmi les croyants, il y a des hommes et des femmes. Et parmi les muhajirines, il y a des hommes et il y a des femmes. Et donc pour dire que la récompense pour les hommes et les femmes sera établie, peu importe le yani, que ce soit un homme ou une femme, ils auront une récompense pour leurs actions. Il mentionne ensuite le verset 97 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فوعد الله سبحانه وتعالى كل من الجنسين الذكور والإناث وعدهم المغفرة والأجر العظيم على هذه الصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى. Donc il mentionne d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala explique que celui qui fait une bonne œuvre, qu'il soit un homme ou une femme, alors qu'il est croyant, alors Allah subhanahu wa ta'ala va les faire vivre d'une vie qui est bonne et qu'il va leur donner leur récompense pour le meilleur des actions qu'ils ont fait. Et il mentionne également un autre verset qui nous indique que yani, il y a des croyants et des croyantes et des musulmans et des musulmanes, ainsi de suite, et on a la mention des deux genres, de l'homme et de la femme, un après l'autre par rapport aux différentes formes d'adoration, et ça c'est la preuve que les deux, l'homme et la femme, auront des récompenses pour le bien qu'ils font. Ces versets-là sont des versets qui nous indiquent que on aura tout, qu'on soit un homme ou une femme, si on fait du bien, on sera récompensé. Mais il ne faut pas comprendre ces versets-là comme certains les utilisent et les mentionnent quand ils parlent de l'homme et de la femme pour essayer de faire croire que l'homme et la femme sont égaux dans toutes choses. Parce que souvent c'est ça l'erreur dans la compréhension de certains. Ils mentionnent ces versets-là qui parlent du fait que si la femme et l'homme font des bonnes œuvres, ils auront la même récompense, et ils essaient d'appliquer ça à tous les aspects de la vie et dans toutes les autres règles de l'islam. Et ça c'est pas correct, c'est pas vrai, parce qu'il y a des choses qui sont permises parfois à l'homme qui sont pas permises à la femme, hein, comme par exemple de faire l'imam dans la prière, ça c'est uniquement pour les hommes, ou bien par exemple d'avoir 4 femmes, ça c'est seulement les hommes qui ont le droit d'avoir plus qu'une épouse, tandis que la femme elle a pas le droit. Un homme peut épouser une juive, un homme musulman peut épouser une juive ou une chrétienne, la femme elle a pas le droit. La femme peut pas prier quand elle a ses règles. Hein? Donc ça c'est des exemples de différence entre les règles qui ont rapport avec la femme et les règles qui ont rapport avec les hommes, et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que ça s'applique pas à tout, mais il y a des choses qui sont spécifiques et différentes. Donc le cheikh il dit ensuite وكما أن الله أمر الرجال أمر النساء قال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية فأمر الرجال بغض البصر عما حرم الله كالنظر إلى النساء والنظر إلى وسائل الفتنة من الصور الخليعة التي حرم الله النظر إليها وكذلك النظر والاطلاع على عورات الناس في بيوتهم وهذا حرام على الرجال والنساء لأنه يجر إلى الوقوع في الفاحشة والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الوسائل التي تفضي إليه ومن ذلك النظر لأنه وسيلة فالعينان تزنيان أو تزنيان وزناهما النظر. Donc le cheikh explique que de la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé à l'homme, il a également commandé à la femme certaines choses, certaines obligations. Et il mentionne des versets dans Surat An-Nur, versets 30 et 31. On voit que dans ces versets-là, au début, dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et dit aux croyants, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de commander les croyants, c'est-à-dire les hommes, de rabaisser leur regard par rapport aux femmes ou par rapport à ce qui est haram, de ne pas fixer les femmes et de préserver leur partie intime, c'est-à-dire de ne pas tomber dans ce qui est zina ou ce qui est haram, et que ça c'est plus pur pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes très informé de ce que vous faites. Et il mentionne ensuite l'ordre, le même ordre mais à la femme. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Il dit aux femmes croyantes qu'elles rabaissent leur regard et qu'elles préservent leur chasteté, hein, qu'elles préservent leur partie intime, et qu'elles ne montrent de leur parure, excepté ce qui en apparaît, et qu'elles rabattent leur khimar, leur grand voile sur leur poitrine. عَلَى جُيُوبِهِنْ Et qu'elles ne montrent de leur parure que à leurs époux ou leur père, ainsi de suite. Et la liste continue dans le verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il ordonne yani, à l'homme et à la femme de rabaisser le regard. Et en particulier en commençant par l'homme, de ne pas regarder ce qui est haram, comme de regarder par exemple les femmes, ou les choses qui peuvent être des moyens qui nous amènent vers la fitna, que ce soit des images ou autres, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Comme de regarder également dans les maisons des gens, lorsque les gens sont dans leur maison, puis ils essaient de regarder à l'intérieur pour voir ce qu'on n'a pas le droit de regarder. Donc ça c'est, le cheikh dit, « وَهَذَا حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَالِ » Ça c'est interdit pour l'homme et pour la femme, de regarder les parties intimes des gens, etc. « لِأَنَّهُ يَدُرُّ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْفَاحِشَةِ » Parce que ça, ça amène les gens à tomber dans ce qui est la turpitude et le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit des choses, et il a interdit également tous les moyens qui mènent à ces choses-là. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le zina, eh bien c'est pas seulement le zina qui est interdit, mais c'est tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans ce péché-là. Donc c'est pas seulement la chose elle-même qui est interdite, mais tout ce qui peut nous amener à tomber dans cette chose qui est interdite-là. Et par exemple, le fait de regarder. Et il mentionne donc un hadith aussi qui est yani rapporté par l'imam Ahmed dans sa Musnad selon Abi Huraira, qui dit que les yeux font le zina aussi, et le zina de l'œil c'est le regard, c'est-à-dire de regarder ce qui est haram. Et il dit an-nazaru sahmun masmumun min siham iblis idha arsalahu al-insan fa innahu sahmun yani qazifa masmuma taqtulu sahibaha. هذا السهم يرجع إلى قلب الناظر النظر سهم مسموم يرجع إلى قلب الناظر يطعنه في قلبه فيؤثر فيه أو يقتله ويميته فلا ينظر كل منهم إلى ما حرم الله خلق هذا النظر وهذا البصر نعمة يستعملها الإنسان فيما أباحه الله له ويستعين به فيما أباح الله له ويكفه عما حرم الله عليه فقال تعالى يغضضن من أبصارهن يحفظن فروجهن يحفظ فروجهم ويحفظن فروجهن. Le cheikh il dit que le regard c'est comme une flèche empoisonnée parmi les flèches de Iblis que l'être humain envoie. Et lorsqu'il envoie cette flèche empoisonnée par son regard, eh bien ça revient vers son cœur. Cette flèche-là lui revient et elle lui rentre dans le cœur et ça le blesse dans son cœur. Ça vient le blesser dans son cœur et ça fait un effet par la suite. Et le cheikh il dit que ça peut te tuer, ça peut même te tuer, dans le sens que ça amène à faire mourir ton cœur. Hein? Parce que les péchés, ça a un effet sur le cœur. Lorsque quelqu'un fait beaucoup, beaucoup de péchés, eh bien ça a un effet sur son cœur. Et comme il y a des hadiths qui mentionnent que lorsque quelqu'un commet trop de péchés, eh bien ça fait une tache noire sur son cœur. Et que le cœur commence à devenir lentement de plus en plus noir, jusqu'à ce qu'il devienne parfois complètement noir et qu'il n'est plus capable par la suite de distinguer entre qu'est-ce qui est bien ou mal. Pour lui, le bien devient le mal, puis le mal devient le bien. Et ça, c'est ce qui est arrivé maintenant à beaucoup d'hommes et de femmes dans la société actuelle. Les gens ont continué à faire tellement de péchés qu'arrivé à un certain moment donné, eh bien, ils ne distinguent même plus du tout entre qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est bien et pas bien. Et quand tu leur parles des principes et des règles de l'islam, ils n'arrivent pas à comprendre les raisons et les sagesses qui sont derrière parce que leur cœur a été aveuglé. Donc, le chef, il essaie de nous faire comprendre par la suite que, et il nous dit que cette vue qu'on a, Allah nous l'a donnée, il nous a créé avec cette vision, et que c'est une ni'ma, c'est une grâce de sa part qu'il nous a donnée, et qu'on doit l'utiliser dans ce que Allah aime. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne comme grâce et comme bien dans cette vie, c'est pour que tu l'utilises dans le bien. Et pour que tu l'utilises d'une manière qui est plaisante à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu dois regarder avec tu dois uniquement regarder ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et tu ne dois pas regarder ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de regarder. Et donc, tu stops, tu fermes ta vision et tu ne regardes pas qui est mauvais ou ce qui est haram, et donc par la suite il fait le parallèle entre l'ordre qui est donné à l'homme et l'ordre qui est donné à la femme, dans les deux versets. Qu'ils rabaissent leur regard et qu'elles rabaissent leur regard, qu'ils préservent leur chasteté et qu'elles préservent elles aussi leur chasteté. يحفظ الرجل فرجه وتحفظ المرأة فرجها من الحرام فلا تتسبب أو يتسبب الرجل في الوقوع في الفاحشة وذلك بالستر الكافي الذي يمنع النظر إلى العورات. Le chef il dit que l'homme donc il préserve ses parties intimes et la femme également pour qu'il ne tombe pas dans ce qui est haram et pour que l'homme et la femme ne soient pas des causes dans le fait que l'un des deux tombe dans ce qui est haram, c'est-à-dire de tomber dans الفاحشة. Donc un des moyens pour préserver et pour protéger l'homme et la femme de tomber dans ce genre de péché-là, c'est de se couvrir. C'est-à-dire le fait que l'homme se couvre et le fait que la femme se couvre. Donc le chef, il dit que, ensuite, il dit, « حرم كشف العورات لأن كشف العورات من الرجال والنساء فتنة يوقع في الشر والله خلق هذا اللباس للرجل أو للرجال وللنساء نعمة منه سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني عوراتكم وريشا يعني زينة زينة وجمالا فاللباس خلقه الله لحكمتين عظيمتين الحكمة الأولى ستر العورات والحكمة الثانية ما فيه من الزينة والجمال والتجميل وريشا وقد أرشد إلى لباس أو نبه على لباس أعظم من اللباس الذي يلبس على البدن وهو لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير. Donc le cheikh il dit que Allah a interdit de dévoiler qu'est-ce qui doit être caché du corps, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-awra. Al-awra, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit couvrir, qu'est-ce qui doit être caché. La awra pour l'homme, c'est entre le nombril et les genoux, tandis que la aura pour la femme, eh bien, comme le hadith le dit, « al-mar'atu aura », c'est-à-dire que la femme entière, tout entière, elle est aura, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rien voir de son corps. Et le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'on dévoile les parties intimes du corps de l'homme et de la femme, pour éviter justement qu'il tombe dans la fitna et qu'il tombe dans ce qui est mauvais. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les vêtements pour l'homme et pour la femme et c'est une grâce de sa part. Comme il dit dans le verset 26 dans Sourate Al-A'raf, « Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre pour vous des vêtements pour couvrir votre, vos parties intimes, ou pour couvrir votre corps. » يعني عوراتكم سوآتكم فسنفي عوراتكم سنو بلغيال ده عورة وريشة ريشة سنفذيخ لبارهر كتكي بو لبوتي donc c'est comme c'est pour couvrir notre corps et c'est aussi une forme d'embellissement donc les vêtements qu'on porte non seulement c'est pour nous couvrir mais aussi c'est une forme d'embellissement qu'on met sur nous pour paraître bien. فاللباس خلقه الله لحكمتين عظيمتين. الله سبحانه وتعالى il a créé les vêtements pour deux grandes sagesses. La première, couvrir notre corps, et la deuxième, pour l'embellissement. Et à l'époque actuelle, dans la plupart des sociétés, eh ben, ces choses-là sont renversées. C'est-à-dire, les gens en premier s'habillent pour se montrer, pour paraître bien en premier. Si ça couvre ou si ça couvre pas par la suite, ça c'est un détail. Pour les gens, ça ne les dérange pas. Ils en couvrent le moins possible. Et ça, vous le voyez, surtout dans les pays occidentaux, vous allez voir que beaucoup de gens, ils n'ont pas vraiment d'intérêt, en particulier les femmes, à se couvrir. Ils ne donnent pas beaucoup d'importance au fait de se couvrir le corps. Et elles essaient d'exhiber le plus possible de leur corps pour causer de la tentation puis du désir chez les hommes lorsqu'elles marchent dans la rue. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une des raisons pour laquelle la perversité est tellement répandue et propagée dans ces pays-là. Et, yani, l'islam nous a enseigné des règles et des façons de vivre pour justement nous protéger de ces choses-là. Malheureusement, des fois, on retrouve que dans les pays musulmans, même dans les pays musulmans, les gens ont commencé à prendre ça à la légère eux aussi et se laissent aller maintenant dans leur façon de s'habiller, et ne donnent pas vraiment d'importance au hijab tel qu'il est ordonné dans l'islam, en particulier dans les marchés ou dans les endroits publics, et ça on le remarque, sans parler des endroits comme par exemple officiels ou des choses de ce genre. Et ça c'est très malheureux en fait. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fin de ça, c'est que les femmes qui portent le voile et qui se couvrent selon les règles de l'islam sont vues comme étant des extrémistes ou bien sont vues comme étant des marginales ou des radicales. Et ça, c'est, ça vient du fait qu'il y a trop de femmes musulmanes qui ont négligé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont pris les règles de l'islam à la légère et il y a un manque également du côté ou du point de vue de l'homme de prendre sa responsabilité en tant que chef de famille, en tant que père ou en tant que mari. D'obliger ou d'ordonner à sa femme de bien se couvrir lorsqu'elle sort à l'extérieur. Et de ne pas non plus la laisser sortir pour n'importe quelle raison. Il y a des femmes qui prennent l'habitude de rester dehors presque toute la journée des fois. Hein, et elles rentrent à la maison juste le soir pour dormir. Donc ça c'est pas le mode de vie islamique. Et comme il y avait des frères qui m'avaient mentionné certains points, dans une occasion, il m'a mentionné le fait que dans certaines sociétés, eh ben l'homme il reste à la maison puis il envoie les femmes travailler dehors. Alors ils restent à la maison, ils font pas un grand travail et les hommes eux ils sortent, les hommes restent à la maison, les femmes sortent travailler. Au lieu d'être l'homme qui travaille dehors puis la femme qui reste à la maison, c'est le contraire maintenant. Et des fois même ces hommes-là ils ont plusieurs épouses. Qui sortent travailler dehors et qui ramènent l'argent à la maison. Donc, cet homme-là, il vit comme un genre de pacha, comme un prince à la maison, et les femmes lui ramènent l'argent à la maison. Donc, ça, c'est le contraire de ce que l'islam ordonne. Parce qu'en islam, la responsabilité et la charge de s'occuper de la famille, ça incombe à l'homme en premier. Et par la suite, la femme, elle a la responsabilité de s'occuper de la famille et de la maison et des enfants. Et de s'occuper de l'éducation. Donc, on voit que actuellement, c'est parfois le contraire qui se produit. Et ça, c'est bien malheureux. Donc, le cheikh il dit: والحكمة الثانية ما فيه من الزينة والجمال والتجميل, comme on l'a dit. Donc, dans l'islam, en premier, c'est de couvrir les parties du corps, et deuxièmement, de s'embellir. ثم أرشد إلى لباس أو نبه على لباس أعظم من اللباس الذي يلبس على البدن Puis Allah subhanahu wa ta'ala par la suite nous a indiqué une catégorie de vêtements qui est plus importante encore que le vêtement qu'on porte sur notre corps, et c'est le vêtement de la piété. Ça c'est le plus grand vêtement, le plus important des vêtements. Hein, parce que si quelqu'un porte un vêtement mais qu'il n'a pas de piété ou de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas un bon comportement. Et donc nous porter des vêtements de piété sans avoir la piété réellement, eh bien ça va amener un comportement qui n'est pas propice et qui ne vient pas avec ou qui ne correspond pas avec le vêtement de la piété. Et aussi sur le plan de l'apparence aussi, puis de l'habillement, on parle souvent de l'habillement des femmes et du hijab, mais sur le plan, sur le point de vue de l'homme, eh bien on ne mentionne pas grand chose. Et on remarque ici par exemple en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays également, eh bien on dirait qu'il y a un laisser-aller sur l'aspect extérieur, comment les hommes s'habillent. Sur le plan que si, bon, juste en faisant le tour un peu de la ville avec les frères, en me promenant dans la rue, j'ai eu le temps d'observer un peu. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne peut pas vraiment distinguer facilement qui est musulman et qui n'est pas musulman. Et ça c'est malheureux en fait, parce que en principe le musulman il est supposé de se distinguer par son habillement. On est capable de, on serait supposé de savoir, juste en le voyant, que c'est un musulman. Mais le fait qu'il y ait ce mélange entre les musulmans et les non-musulmans, entre les chrétiens et les musulmans, eh bien ça cause beaucoup de confusion et beaucoup de désordre en fait. Et c'est un manque dans la question de l'identité islamique. Et donc ça indique beaucoup de choses, en arrière de ça indique beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Et donc c'est pour ça que, en même temps, je rappelle à mes frères d'essayer de faire un effort sur ce plan-là, en ce qui concerne le vêtement, et en ce qui concerne l'apparence islamique, pour se distinguer des chrétiens et se distinguer des koufars en général. Hein? Et ça ne devrait pas être trop compliqué, parce que de toute façon vous êtes dans un pays qui a une grande population musulmane, et les vêtements qui sont connus comme étant les vêtements des musulmans sont répandus partout. Donc vous n'avez pas d'excuse en fait pour ne pas vous habiller selon les principes et les façon dont les musulmans s'habillent en général, d'accord. Et ça, je veux dire, même en Occident, maintenant quand on va en Europe ou en Amérique, vous allez voir que même là-bas, vous allez voir des musulmans qui portent des vêtements, qui portent la barbe, qui montrent qu'ils sont musulmans, hein, et puis quand on marche dans la rue, on se dit salam entre nous, et on se reconnaît. Mais si tu es dans une société musulmane, dans un pays musulman, puis la majorité des musulmans, ils se distinguent pas des koufars, eh bien comment vous allez savoir, vous marchez dans la rue, quand est-ce que vous allez vous dire le salam? Peut-être que vous savez même pas si la personne en face de vous c'est un chrétien ou un musulman. Et donc où est-ce qu'elle va être l'amour entre les musulmans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, voulez-vous que je vous indique quelque chose, que si vous le faites, vous allez avoir l'amour entre vous, donnez-vous le salam. Donc si on n'est pas capable de se reconnaître puis de se distinguer, alors comment on va pouvoir se donner le salam entre nous? Les femmes musulmanes qui pratiquent le hijab, qui portent le hijab, tout de suite vous pouvez savoir que c'est une femme musulmane. Et vous pouvez la distinguer d'une musulmane ou d'une non-musulmane si elle porte le hijab, mais pour les hommes. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de distinction. Ça c'est une mauvaise conception que certaines personnes ont. C'est peut-être l'idée que certains s'imaginent que la foi c'est dans le cœur et donc on n'a pas besoin de le montrer à l'extérieur. Mais ça c'est une mauvaise compréhension, c'est une mauvaise conception. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs. Donc vous voulez pas faire partie des juifs ou des chrétiens ou des koufars, alors distinguez-vous des juifs et des koufars. Dans plein de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Khaliful Majus, Khaliful Nasara, Khaliful Yahoud » Distinguez-vous des juifs, distinguez-vous des chrétiens, distinguez-vous des Majus et des autres individus ou des autres personnes qui suivent d'autres religions. Alors distinguez-vous entre vous par rapport à ces gens-là. Et ça fait partie du fait de se désavouer des koufars aussi. Et ça c'est une obligation aussi pour les musulmans. Donc ça c'est un petit rappel en passant juste à ce sujet-là, parce que c'est important aussi. Après le cheikh il dit, فالرجل والمرأة كل منهما يستر عورته بالستر الضافي لأن في ذلك محافظة على الأخلاق. أما التهتك والعري فإنه سبب لفساد الأخلاق وضياع الأعراض وانتشار الفاحشة. أما إذا سترت العورات بالستر الذي أرشد الله تعالى إليه من الرجال ومن النساء فإن في ذلك حفظا للفروج من الزنا واللواط وحفظا للفروج مما لا يحل مما حرم الله. ثم خص النساء بأمر دون الرجال فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أمر النساء بالحجاب وهو الستر الضافي على بدن المرأة بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها وجميع جسمها وكذلك شعرها تستره عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها. الشيخ explique, il dit donc que l'homme et la femme doivent couvrir tous les deux leur partie intime. Donc couvrir les parties intimes, ça veut dire couvrir les parties du corps qui doivent être couvertes. Et en passant, aussi pour les hommes. Si un homme porte des pantalons, il doit porter par-dessus un vêtement qui recouvre jusqu'au genou. Pas prier avec un jeans ou un pantalon qui dévoile les parties intimes quand il prie. Ça, c'est pas correct de faire ça. Et certains ulama ont dit que c'est très dangereux parce que parfois même ça peut faire en sorte que la prière ne soit même pas acceptée si les parties intimes sont pas bien couvertes. Donc, il faut se couvrir avec des vêtements amples, le plus amples possible, et aussi donc les hommes doivent faire attention, autant que les femmes, de couvrir comme il faut leur corps. Et le chef il dit donc que lorsque les parties du corps sont bien couvertes, Allah subhanahu wa ta'ala, par ces règles-là, il a fait en sorte que ça protège les hommes et les femmes de la fornication, de l'adultère, de l'homosexualité et de toute autre forme de péché que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Toutefois, il a spécifié pour la femme un commandement qu'il n'a pas donné à l'homme, c'est-à-dire par la suite, et qu'elle ne montre de leur parure que ce qui est apparent, que ce qui en est apparent, et qu'elle rabatte sur leur poitrine leur grand voile, c'est-à-dire leur khimar. Et pour expliquer le mot qui est mentionné dans le verset, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ الْخُمُرْ, c'est le pluriel de khimar. Ça, on va expliquer ce que ça veut dire. Et al-juyub, c'est le pluriel du mot jayb, et al-jayb, c'est l'ouverture du col. Parce que les femmes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles portaient des robes décolletées. Et vous savez qu'est-ce qui arrive avec les robes décolletées, ça montre une partie de la poitrine des femmes. Et donc, étant donné qu'elles portaient ça, et qu'elles portaient un foulard qui attachait leurs cheveux, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de rabattre ce foulard-là pour que ça couvre le devant de leur poitrine et pour qu'on puisse pas voir qu'est-ce qui est caché dans pour qu'on puisse pas voir le cou et l'ouverture du col. Donc, Cheikh il explique ça, il dit Amara al-Nisa bil-Hijab. Allah a ordonné à la femme le hijab et de se couvrir correctement tout le corps. Et ça inclut, le Cheikh dit ça inclut le visage, les mains et les pieds et tout le corps. De même que les cheveux. Et ça couvre la femme donc pour que les hommes qui ne sont pas des maharim, pour les hommes qui ne sont pas des membres de la famille ou des proches, puissent, les hommes qui ne sont pas dans la famille, ils ne peuvent pas voir donc cette femme-là lorsqu'elle sort. En ce qui concerne la question du visage et des mains, c'est quelque chose qui est une question sur laquelle il y a une divergence entre les ulama, et il y a un grand nombre de ulama qui mentionnent que de couvrir le visage et les mains c'est une obligation dans l'islam. Et ils mentionnent pour cela des preuves dans le Coran et dans la Sunna. Ils n'ont pas tiré ça de leur tête. Ils ont pris ça dans des preuves et dans des textes clairs dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, il y a d'autres ulama qui considèrent que c'est pas obligatoire, mais que c'est meilleur. Et que la femme qui est vraiment une plus croyante, et qui est plus forte dans sa foi, elle couvre son visage. Mais si elle ne le fait pas, elle n'a pas commis un péché. Ça, c'est la position de certains ulama. Mais si elle le fait, ça prouve qu'elle fait plus d'efforts dans sa foi pour ressembler aux femmes des croyants, hein, aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle se couvre plus et donc elles sont plus méritoires et elles font un plus grand bien. Ça, c'est une opinion parmi les opinions, comme on l'a dit. Et chacun des deux, parmi les ulama qui ont une de ces deux positions-là, tous les deux se reposent sur des arguments et des preuves. Toutefois, comme on l'a expliqué plus tôt, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, dans la religion ou dans n'importe quoi, ramenez-le à Allah et au messager. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, et ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et donc, quand on est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on veut savoir la vérité, on regarde les arguments, on retourne aux preuves et on ramène ça à Allah et à son messager pour trancher entre les positions pour savoir laquelle des deux est vraie. Et si quelqu'un analyse les preuves et il voit que la position qui est dans les textes, qui est plus proche de la vérité, c'est celle qui dit qu'il faut couvrir le visage, alors elle doit le faire. Elle ne doit pas suivre ses passions et ses désirs pour dire « Ah, moi je préfère la facilité » et je préfère ne pas le faire parce que si je le fais, ça va être compliqué, etc. Ça, c'est pas l'attitude de la vraie croyante. La vraie croyante, si elle est convaincue par une position par rapport aux preuves, elle suit cette position-là. Même si son désir ou sa passion ou son cœur l'incite à ne pas le faire. D'accord? Et si elle considère que c'est l'autre position qui est vraie, ou que c'est l'autre position qui a raison avec les preuves, pas parce qu'elle veut suivre ses passions, mais réellement parce qu'elle est convaincue par cette position-là, alors elle sera jugée au jour de la résurrection selon son intention et selon sa sincérité. D'accord? Mais, comme je dis, il faut faire preuve de vraiment d'une sincérité et vraiment vouloir chercher la vérité. Et non pas juste vouloir faire quelque chose parce que c'est ce qui nous plaît ou ce qui est en accord avec notre désir. Ça c'est dans toutes les questions islamiques, mais dans celle-là en particulier, c'est très important. Et donc, les femmes et les sœurs qui couvrent leur visage, alhamdoulilah, ça c'est un bien. Elles n'ont plus à se casser la tête ou à se poser des questions parce qu'elles font déjà ce qui est le meilleur et ce qui est le plus recommandé et qu'est-ce qui est plus méritoire. Donc, alhamdoulilah, elles ont déjà le bien. Et il ne faut pas qu'elles laissent le shaitan venir jouer avec leur cœur pour essayer de leur mettre des doutes, pour essayer de dire « bon, je pense que je vais l'enlever parce que c'est trop difficile ». Non, elles doivent rester fermes dans leur position et elles doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et le support dans cette décision qu'elles ont prise et continuer sur cette voie-là. Et les autres croyants doivent les encourager aussi dans cette voie. Hein? Tandis que celles qui ne le portent pas parmi les sœurs, eh bien, il faut qu'elles s'encouragent les unes les autres pour faire en sorte qu'elles s'encouragent dans la piété et qu'elles s'améliorent dans leur religion et qu'elles aspirent à vouloir le faire. Hein? Elles devraient dans son cœur avoir l'intention de dire, même si je ne le fais pas, même si je ne couvre pas mon visage, mais Inch'Allah, je veux le faire parce que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui me rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala si je le fais. Et donc, c'est de cette manière-là qu'elle doit regarder ça. Et il faut qu'il y ait un encouragement de la part des musulmans pour des sœurs comme ça qui ont besoin d'un peu d'encouragement dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'amélioration. Parce que l'attitude que beaucoup d'entre nous maintenant on a développée en ce qui concerne l'islam, c'est d'essayer de toujours faire le minimum et de toujours faire le moins possible dans la foi et dans la religion. Et celui qui fait des efforts, qui essaie d'être meilleur, eh bien on le décourage ou bien on le rabaisse ou on le dénigre. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment mauvais, qui est désolant en fait. Donc on devrait essayer de développer une autre attitude. On devrait essayer de développer l'attitude de ceux qui font la course et qui rivalisent dans le bien, hein, qui rivalisent les uns les autres vers la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas essayer de dire, bon, moi je vais toujours faire le moins possible de qu'est-ce que je peux faire ou de qu'est-ce que je dois faire dans la foi ou dans la religion. Parce que c'est avec cette attitude-là, on va pas aller loin dans notre foi. Et les sahaba, si vous regardez les sahaba, comment ils appliquaient l'islam, et comment ils comprenaient la religion, et que vous comparez ça avec nous aujourd'hui, vous voyez qu'on est très très loin de la réalité de la foi. Parce que les sahaba, lorsqu'ils entendaient quelque chose d'Allah et de son messager, ils essayaient de le faire tout de suite. Hein? Ils essayaient tout de suite de le faire. Et juste pour vous donner l'exemple, à propos du hijab par exemple, quand l'ordre d'Allah est descendu au sujet du hijab, ils n'ont pas dit « je vais attendre à demain, je vais attendre après demain, je suis pas prête ». Non. Sur le champ, quand elles ont su que le verset était révélé, elles ont pris du tissu et tout de suite elles se sont couvertes avec. Le lendemain matin, les femmes étaient déjà voilées. Le lendemain matin, elles sont allées prier la prière de Fajr, les sahabes ont dit, on dirait qu'elles avaient des corbeaux sur leur tête. Tellement elles étaient couvertes avec le vêtement noir. Hein? Et donc c'est pour dire que les sahabes, quand ils apprenaient quelque chose, tout de suite ils voulaient l'appliquer. Ils voulaient le faire sur le champ. Ils ne voulaient pas attendre ou faire le minimum pour dire « ah non, je me laisse aller ». Ils faisaient des efforts dans leur foi. Et nous, c'est ça ce qu'on doit développer aussi. Et yani, donc, qu'est-ce que je m'en tiens là maintenant, c'est des choses dont j'ai été témoin moi-même, pas juste ici en Côte d'Ivoire, mais aussi même en Occident, de la part de certains musulmans qui veulent toujours dire aux autres musulmans, surtout quand ils parlent de la femme, « faites le minimum ». Et on voit maintenant en Europe, Allah al-Musta'an, et en Amérique, quand tu vois des sœurs qui sortent dans la rue et tu vois comment elles s'habillent, c'est devenu ridicule en fait. Ça atteint un niveau où ça devient une blague. C'est-à-dire ça n'a aucun sens. Que tu vois une jeune fille avec des pantalons jeans qui sont très serrés, et il y en a des chandails, en tout cas des vêtements très très collants sur le corps, et un petit foulard rose bien décoré sur la tête, et on a comme elles ont l'impression que en faisant ça elles ont appliqué l'ordre du hijab que Allah a révélé dans le Coran, comme si le hijab c'était juste de cacher les cheveux. Mais c'est pas le but du hijab, c'est pas de cacher les cheveux seulement. Les cheveux, ça, c'est une partie de ce qui est ordonné pour la femme de couvrir. Mais qu'est-ce qui cause le plus de désir et de tentation chez les hommes? C'est le corps au complet. C'est pas seulement les cheveux. Parce que si vous voyez une femme en bikini avec un foulard sur sa tête, ça va rien changer. Le fait qu'elle a caché ses cheveux, la tentation et la source du désir est toujours dévoilée et c'est ça qui est vraiment la vraie source de la fitna. Malheureusement, les koufars, ils font beaucoup d'efforts dans les médias pour justement attaquer le foulard qui couvre juste les cheveux pour essayer de faire croire que c'est ça le problème, alors que en fait, le vrai hijab, c'est le djilbab qui couvre la tête aux pieds. Donc, le cheikh, il dit ensuite que la femme elle doit se couvrir devant tous les hommes qui ne sont pas ses maharim, tous ceux qui n'ont pas des liens de parenté directs ou proches avec cette femme. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُمْ لَا يُظْهِرْنَ الزِّينَ سَوَا الزِّينَةَ الْخِلْقِيَّةِ وَهِيَ زِينَةُ الْجِسْمِ وَالْوَجْهِ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَوْ الزِّينَةَ الْمُصْطَنَعَةَ أَوْ الْمَجْلُوبَةَ كالحلي والخضاب والكحل وغير ذلك. والمرأة مأمورة أن تستر زينتها الجسمية وزينتها المجلوبة المصنوعة التي تتزين بها في جسمها من الأصباغ والحلي والكحل وغير ذلك إلا ما ظهر منها وهو الثياب على الصحيح، أي ظهر بنفسه ولم تظهره وهي الثياب التي فيها فتنة. ثم قال وليضربن بخمورهن، والخمر جمع خمار وهو الغطاء، ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل، والخمرة يعني السترة. Le cheikh explique ensuite, il dit qu'elle ne doit pas montrer de leur parure et c'est-à-dire elles ne doivent pas montrer de leur parure dans leur corps, c'est-à-dire comme par exemple la parure de leur corps, la beauté qu'elles ont dans leur corps, ou bien leur visage ou leurs mains ou autres, ou bien les parures qu'elles ont rajoutées, comme par exemple les bijoux, ou bien yani le kohl, si elles mettent du maquillage ou qu'elles mettent des choses dans leurs yeux, des choses comme ça, ça, elles ne doivent pas le montrer parce que ça fait partie des parures. Donc le cheikh, il dit qu'elle est ordonnée, la femme, de couvrir ses parures corporelles et ses parures également qu'elle a rajoutées pour se décorer elle-même, comme on a dit le maquillage, le kohl, les bijoux et tout ça. إلا ما ظهر منها، excepté ce qui en paraît naturellement. Et les ulama ont expliqué différentes façons cette partie du verset-là a été expliquée différemment. Sauf que le cheikh ici, Cheikh Al-Fawzan, sa position c'est que إلا ما ظهر منها، excepté ce qui en paraît, c'est les vêtements qu'elle porte à la maison habituellement. Quand elle sort, elle se couvre. Et si jamais il y a un petit morceau de ses vêtements en dessous qui paraît, yani sans qu'elle le fasse intentionnellement, donc dans ce cas-là, yani elle est excusée, hein, tant qu'elle le montre pas dans le but de faire de la fitna. Parce que les vêtements que la femme porte à la maison, c'est pas des vêtements avec lesquels elle doit sortir dehors. Quand elle sort dehors, elle doit porter par-dessus ces vêtements-là une couverture pour cacher qu'est-ce qu'elle porte à l'intérieur, puisque habituellement, les vêtements qu'une femme porte à l'intérieur, c'est pas assez, ça couvre pas selon les règles islamiques, et donc c'est pas suffisant comme vêtement pour que la femme, sorte dehors avec ça. C'est-à-dire ce qu'on voit les femmes non musulmanes porter lorsqu'elles sortent à l'extérieur, ça dévoile beaucoup des parties de leur corps que la femme musulmane doit couvrir. Donc ces vêtements-là qu'elles portent à l'extérieur, c'est pas suffisant, et ça cause beaucoup de tentations, donc c'est quelque chose qu'elles doivent porter par-dessus ces vêtements-là, un jilbab. Ensuite, le cheikh dit, et ensuite, Allah il dit, et qu'elles rabattent leur khimar sur leur col. Hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a dit que le mot khumur, c'est le pluriel de khimar, mais c'est une couverture. Et c'est de là que vient le mot khamar. Quand on parle de l'alcool, le vin, on l'appelle ça khamar. Pourquoi? Parce que ça couvre la raison. Ça recouvre la raison. Donc à cause de ça, on appelle khamar khamar parce que ça cache. Et de là vient le terme khimar parce que ça cache, ça couvre. Et khumra aussi parce que c'est une couverture aussi. Ensuite, il dit wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. أمرهن الله جل وعلا أن يضربن بالخمر التي على الرؤوس والخمار ما تضعه المرأة على رأسها أمرها أن تضفيه على نحرها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهي فتحات الجيوب التي في الثياب يظهر منها النحر لا تترك المرأة هذا باديا للرجال وإنما تدلي عليه الخمار لأنه إذا أمر بستر النحر فالوجه من باب أولى بل إنه يلزم من ضرب الخمار على الجيوب أن يمر بالوجه لأن الخمار على الرأس فإذا أرسل على النحر فيكون مارا بالوجه لشيخ الدين. Donc elles doivent rabattre le voile qu'elles ont sur la tête, comme on a expliqué avant l'islam, les femmes portaient un foulard sur la tête, elles se cachaient la tête avec les cheveux avec. Et là Allah leur a ordonné dans ce verset-là de le rabattre sur leur poitrine. Et donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'elles portent sur la tête, elles le rabattent sur leur poitrine. Parce que l'ouverture de la poitrine, ça fait paraître qu'est-ce qu'elle est supposée de ne pas montrer, donc elle ne doit pas montrer ça aux hommes étrangers, donc elle doit se couvrir avec le khimar. Et le cheikh indique que ça comprend également de couvrir le visage. Il dit ça comprend également de couvrir le visage parce que la poitrine est dans le même chemin que le visage, c'est-à-dire le visage est dans le même chemin que la poitrine, pardon. Donc quand elle rabat son khimar sur sa poitrine, eh bien ça tombe sur le visage en même temps. Et donc ça c'est l'explication à ce sujet-là. Il y a beaucoup de savants, beaucoup de ulama de tafsir, si vous retournez au tafsir comme Ibn Kathir, au tafsir al-Qurtubi, au tafsir al-Tabari, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ulama qui ont expliqué ce verset-là de cette manière, que de couvrir les poitrines avec la poitrine avec le khimar, ça implique également de le rabattre par-dessus le visage pour que ça tombe par devant. Donc ensuite le cheikh dit ويوضح هذا قول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها على رأسها أو على رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. Le cheikh il explique que ça c'est clarifié, le fait qu'elle couvre son visage avec le khimar, c'est clarifié dans la parole de Aïcha radiallahu anha, qui est rapportée par Abu Daoud, qui dit que lorsque les femmes étaient dans l'état d'ihram, vous savez que dans l'état d'ihram, il y a un hadith qui indique que la femme ne peut pas porter de niqab. Et le niqab c'est une pièce de tissu qui est fixée au visage. Hein, comme un genre de une affaire fixée. Et dans ce hadith-là, ça dit que la femme qui est en état d'ihram, elle ne doit pas fixer le niqab sur son visage. Sauf que elle peut couvrir, mais selon l'opinion des ulama, de certains ulama, elle doit couvrir son visage en présence d'hommes étrangers, malgré qu'elle est en état d'ihram, sauf qu'elle le couvre avec autre chose que le niqab. Elle va le couvrir avec son khimar, et non pas avec un niqab. Donc, on voit l'exemple de ça dans cette narration qui est apportée selon Aïcha, radiallahu anha. Elle dit que nous étions avec le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en état d'ihram. Et lorsque des hommes passaient près de nous, l'une d'entre nous rabaissait son khimar de sa tête sur son visage. Et lorsque les hommes étaient passés, elle le découvrait. Donc ça c'est l'explication à ce sujet-là. Après le cheikh il dit également le verset 59 dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Oh toi, c'est-à-dire au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit « Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de rabattre sur elles leur djalabib. » Et le djalabib c'est le pluriel de djilbab. Ok, puis on va voir la définition du jilbab tout de suite. Le cheikh il dit, wal jilbab huwa al-thawb al-kabir alladhi taltahifu bihi al-mar'a wa ma yusamma bil jallal al-kabir alladhi yakunu 'ala al-mar'a fawqa thiyabiha. Amara Allah أن تطفيه على وجهها حتى لا يبدو من المرأة شيء يفتن الناس يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا أمر للمرأة بالحجاب على الجسم وعلى جميع المفاتن التي يخشى منها الخطر. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. Donc le cheikh explique que le djilbab c'est une grande pièce de tissu que la femme enroule autour d'elle. Elle se couvre avec et on l'appelle aussi, il dit al-jalal al-kabir. La femme elle met ça par-dessus ses vêtements quand elle sort. Et c'est ça le djilbab qui est ordonné à la femme. Elle cache aussi son visage avec, pour qu'il n'y ait aucune tentation qui soit causée aux gens dehors quand elle sort. Elle rabat leur grand djilbab sur elle. Et ça c'est mieux pour qu'elle soit reconnue et qu'elle ne soit pas offensée. Donc le cheikh il dit que Allah a ordonné donc à la femme de porter le hijab sur son corps qui va la couvrir et qui va cacher toutes les sources de tentation, il y en a qui sont des sources de danger, il y en a qui peuvent amener des, des tentations aux hommes. Et il mentionne le verset qui dit « Et lorsque vous leur demandez une chose quelconque, alors demandez-leur de par derrière un rideau. » المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الآية عامة فهي لفظها فهي لفظها خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناها عام لجميع النساء لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنات والله علل ذلك بعلة شاملة وهي قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فأمر أن يسألن من وراء حجاب والحجاب المراد به الساتر للمرأة من الثوب ومن الجدار أو الباب أو أي شيء يستر المرأة عن الرجل حينما يخاطبها أو يسألها عن شيء أو تناوله شيئا يكون ذلك من وراء الحجاب أي وراء ساتر ولا تناوله شيء وهي غير متسترة وهي بادية ظاهرة بل تكون من وراء ساتر يسترها من ثوبها ومن باب من بابها ومن جدار أو إلى غير ذلك. الشيخ explique, il dit que le verset qui dit et si vous leur demandez quoi que ce soit alors demandez-leur derrière un rideau. Le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire ici, on parle, Allah s'adresse, c'est-à-dire c'est à propos des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que si vous leur demandez quoi que ce soit, demandez-leur par derrière un rideau, ou par derrière un hijab en arabe. Et dans le verset, on voit que c'est adressé, ou ça parle des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il faut comprendre que dans sa signification, ce n'est pas spécifique aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est général et que ça inclut toutes les femmes. Et le cheikh il dit parce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des exemples pour toutes les femmes. Sont des exemples et des références pour toutes les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une raison pour expliquer ça en disant que c'était plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur. C'est plus pur pour vos cœurs, pour le cœur des hommes, c'est-à-dire les sahaba, et leur cœur, c'est-à-dire les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit que ça veut dire que le fait de demander par derrière un hijab, ça c'est plus pur pour le cœur des sahaba et le cœur des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça indique quoi? Ça indique qu'en réalité, c'est général. Parce que si c'est plus pur pour eux, alors c'est plus pur pour nous. Puisque leur cœur était plus pur que le cœur de quiconque. Hein, et que c'était les meilleurs de cette Ummah. Donc, personne aujourd'hui peut dire, moi je suis plus pur que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus pur que les sahaba, et donc j'ai pas besoin d'un rideau. Celui qui fait ça, c'est comme s'il, celui qui dit ça, c'est comme s'il dit, gars, moi j'ai pas peur, j'ai confiance. Je suis en sécurité, je ne vais pas tomber dans le haram. Ça, c'est les ruses du shaitan qui veut égarer les gens. Et il y en a parmi les prêcheurs, malheureusement, qui essaient de pousser les jeunes vers ça. Ils disent, non, mais c'est ta sœur, il n'y a pas de problème. Tu peux lui parler, tu peux... Yanni, pas besoin de faire trop attention à ça. On est des adultes, hein, entre adultes, on agit comme des adultes. Ça, c'est le shaitan hein, qui pousse les hommes vers les péchés de cette manière-là pour faire croire aux gens qu'on n'a rien à craindre du haram. Et pourtant, le haram se produit entre adultes. Hein. C'est pas les enfants en général qui tombent dans ces péchés-là, mais c'est les adultes en particulier. Le cheikh dit « والحجاب المراد به الساتر للمرأة من الثوب أو الجدار » Le hijab dans ce verset-là, ça indique quoi? Ça veut dire pas seulement le vêtement, mais ça peut être aussi le mur qui sépare entre deux pièces ou deux choses, ou bien une porte, ou bien quelque chose qui couvre ou qui empêche les hommes de voir les femmes. Donc lorsque l'homme demande quelque chose à une femme, il lui demande derrière quelque chose pour qu'il ne soit pas capable de la voir. Il ne va pas lui parler ou lui demander quelque chose sans qu'elle soit couverte, elle ne va pas lui donner quelque chose ou lui donner quelque chose qu'il demande sans qu'elle soit couverte. Le chef ensuite il dit ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ comme on l'a dit, c'est plus pur pour leur cœur et pour les cœurs, leur cœur et le cœur des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, c'est-à-dire plus pur contre la fitna. C'est-à-dire que les femmes, elles vont se voiler pour que les hommes ne puissent pas les regarder et ainsi les cœurs sont protégés contre les tentations. Le cœur des femmes et le cœur des hommes. Il ne faut pas penser que c'est seulement les hommes qui ont des tentations envers les femmes. Même les femmes peuvent avoir des tentations aussi. Et vous avez l'exemple de Youssef a.s. dans le Coran, qui est un exemple très clair. Hein? La femme de Aziz qui voulait profiter de lui. Et c'est elle qui avait couru derrière lui pour l'attraper. Donc c'est pour dire que ça peut venir des deux côtés la tentation et non pas seulement d'un seul côté. Donc le chef dit ça, c'est clair dans la société, et en particulier dans la société musulmane dans laquelle il y a un respect des règles du hijab, vous voyez que c'est beaucoup, il y a plus de pureté et de chasteté. Tandis que dans les sociétés où il y a une ouverture et où on se permet de montrer tout ce qu'on veut, et bien dans des sociétés comme ça, il y a beaucoup plus de turpitude et de perversité qui sont répandues malheureusement. وطهارة لقلوب الرجال وقلوب النساء على حد سواء وهذا من سد الطرق التي تفضي إلى فساد الأخلاق ومن حيث وإن كل من الرجال والمرأة يسلم عرضه ويسلم قلبه من الفتنة ومن سد الطرق المفضية للفتنة منع المرأة أن تسافر وحدها بدون محرم لأن المحرم إذا كان مع المرأة فإنه يصونها ويحميها ويقوم بمصالحها قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم وفي رواية يوم وليلة وفي رواية أن تسافر بدون تحديد فالمقصود أن المرأة لا تسافر وحدها بدون محرم فإن سافرت بدون محرم فهي عاصية لله ولرسوله ومرتكبة لما حرم الله ومعرضة نفسها للفتنة وهذا عام في كل الأحوال وفي كل الأزمان أما ما يقوله بعض الناس من أن المرأة إذا سافرت مع جماعة من النساء فإن هذا يكفي من المحرم يكفي عن المحرم فهذا قول معارض أو معارض لقول النبي معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم وجماعة النساء لسنا محرما للمرأة محرم المرأة معروف وهو من تحرم عليه من الرجال بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها أو بسبب مباح من مصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها أو برضاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. Le Cheikh explique que parmi les moyens que la charia explique aussi ou utilise pour fermer la porte à la tentation et à la fitna, le fait que la femme n'a pas le droit de voyager seule, sans un mahram. Parce que, le cheikh dit, parce que le mahram, lorsqu'il est avec la femme, il la protège. Il la protège et il veille assez à son bienfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, dans son Sahih, selon Abi Sa'id ibn al-Khudri, il dit il n'est pas permis à une femme qui croit à Allah et au jour dernier de voyager une distance de deux jours sans un mahram. Et dans une autre narration apportée par l'imam muslim, selon Abi Huraira également, la mention c'est, de la durée c'est un jour et une nuit. Et dans une autre narration, c'est sans limite, c'est-à-dire elle ne peut pas voyager du tout sans mahram. Le chef dit que le point ici c'est de faire comprendre que la femme elle ne doit pas voyager seule sans la présence d'un homme qui est avec elle pour la protéger, qui est un mahram, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'épouser. Un homme qui est de sa famille et qu'elle n'a pas le droit d'épouser islamiquement. Si elle voyage sans un mahram, alors dans ce cas-là, elle a commis un péché, elle a désobéi à Allah et à son messager, et elle a fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et elle s'est mise dans une situation de fitna pour elle-même. Et ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne ceux qui disent que la femme peut voyager avec un groupe de femmes, alors le cheikh il dit ça c'est pas correct et c'est pas suffisant. Parce que les femmes ne sont pas un mahram pour une autre femme. Et le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et qui croit au jour dernier de voyager sans la présence d'un mahram. Et un groupe de femmes, c'est pas suffisant comme mahram, comme on l'a dit. Et le mahram, c'est quoi? C'est un homme qui a un lien de parenté avec la femme. Un lien légal. Comme par exemple, son père, ou son frère, son fils, ou son oncle maternel, ou son oncle paternel, ou bien un lien de parenté qui est causé par le fait que, par exemple, comme le père du mari, Abi Zawjiha, ou Ibn Zawjiha, le père de son mari, ou bien le fils de son mari, ou bien par l'allaitement, si elle a un lien de parenté avec quelqu'un à cause de l'allaitement, donc ce sera son frère de lait, ou ainsi de suite. Parce que, qu'est-ce qui est interdit par les liens de sang? C'est aussi interdit à cause de par les liens de l'allaitement également. Ja'a al-waqt. Tayyib, inshallah. Donc, on va s'arrêter ici pour les explications qu'on a données aujourd'hui. Mais, alhamdulillah, c'est juste un rappel, en fait, par rapport aux règles, certaines des règles qui ont rapport avec la femme musulmane. Parce que, on remarque malheureusement que, à l'époque actuelle, il y a beaucoup de négligence du côté de l'habillement des femmes, comment elles s'habillent, comment elles sont habillées en général. Donc c'est important de, inshallah, faire attention à ça et d'enseigner aux femmes, à nos sœurs, à nos mères, à nos tantes, aux femmes de nos familles, à porter le hijab islamique. Et sur ce plan-là, il faut aussi se rappeler que des fois, il y a des gens qui ont des traditions et des cultures, puis il y en a qui disent « Ah, ça c'est la tradition des Arabes, ou ça c'est des Arabes qui se voilent de cette manière-là, ou qui portent les vêtements de cette manière-là, nous on n'est pas des Arabes. » Il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est que même dans la culture des Arabes, c'est pas tous les aspects de la culture qui ont été adoptés ou acceptés. Il y a plein de règles islamiques qui ont été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était contraire à la culture et à la tradition des Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu changer beaucoup d'aspects de la culture arabe de son époque, en commençant par le shirk, en commençant par toutes sortes de croyances qui étaient contraires à la croyance des Arabes. Et c'est pour ça que son peuple l'ont combattu depuis le début. Et dans les tenues vestimentaires, et dans les règles alimentaires, et dans tous les autres aspects de la vie, et même dans la culture, dans tout, hein, l'islam est venu opposer les traditions et les cultures de la population arabe qui était là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait de prétendre ou de vouloir dire qu'on ne peut pas suivre ou appliquer les règles de l'islam parce que ce sont les cultures arabes, ça c'est un mensonge. Et c'est faux. Puisque ces cultures-là et ces traditions-là, premièrement, c'est pas des cultures, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées dans son Coran et par la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ces règles-là, elles ont été combattues par les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne voulaient pas les suivre. Mais, par la suite, quand ils ont eu la foi, ils ont cru en Allah, ils ont accepté ces règles-là et ces principes-là, ils les ont respectés parce qu'ils ont été convaincus par les preuves et par les règles de l'islam. Et à la suite, ils ont vu que c'était des choses qui étaient bonnes pour eux et qui étaient bonnes pour la société. Donc ça, c'est des choses qui nous rappellent et qui nous font comprendre que peu importe d'où on vient, peu importe si tu viens d'Haïti, ou tu viens de l'Afrique, ou tu viens d'Asie, ou tu viens d'Europe, ou d'Amérique et que tu acceptes l'islam, tu acceptes de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tu te soumets à Allah et à son messager et tu acceptes ce qui est dedans. Sans discuter ou sans chercher des excuses ou des prétextes, que soi-disant c'est pas notre culture ou c'est pas nos traditions ou des trucs de ce genre. L'islam, c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose qui vient de la culture ou des traditions des hommes. Et c'est pas pour un peuple en particulier par rapport aux autres, c'est pour tous les peuples, c'est pour tous les hommes. Donc on va s'arrêter avec ça ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et puis on se retrouvera demain, Inch'Allah, pour la suite des conférences et des cours, avec d'autres sujets. On va parler de certaines questions qui sont reliées à la croyance et à l'aqida et au manhaj aussi, par rapport aux groupes et aux tendances qui sont extrémistes dans la communauté pour réfuter certaines de ces idéologies-là, Inch'Allah. Donc, أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.